On en a déjà parlé dans Podcorn, mais j'avais envie de revoir Street Fighter avec mon fils qui aime lui aussi la licence. Et il a été déçu, moins que pour Mario, mais quand même. Déjà, les personnages sont à peine respectés. Certains noms sont donnés à la hâte à des protagonistes de troisième zone à la limite du figurant, et d'autres sont définis par un simple gimmick. Côté combat, on n'est pas vraiment gâté non plus, à part un Zangief Honda avec les bruitages de Godzilla, et un Guy le Bison, c'est tout. Et c'est peu pour un film inspiré d'un jeu de versus fighting. On pourrait croire que le scénario n'a pas cédé aux sirènes de la facilité d'un film de tournoi. Et c'est malheureusement le cas. Steven De Souza, pourtant bon scénariste, s'est embourbé dans un mélange de serial exotique et de films de guerre. Ce qui nous donne enfin un bon point, des décors joliment faux, qui sentent bon l'amour du faux bien fait très dépaysant. Et puis c'est tout. L'image est molle, JCVD était plus impliqué dans Kylie Minogue que dans le film, et le pauvre Rol Julia était mourant. Un gâchis total.